professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut. Il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quel est le nouvel âge de l'émancipation? Comment peut-on définir une démocratie post-électorale? Peut-on faire une théorie des populismes, mot caoutchouc? Demande Pierre Auzan-Vallon, intellectuel atypique, historien-philosophe, passé d'HEC à la CFDT puis à l'EHESS avant le Collège de France, où il est titulaire de la chaire Histoire moderne et contemporaine du politique. Afin d'interroger les grandes mutations qui touchent tous les domaines, politique, économie, société, et le nouvel âge de la modernité qui a été radicalement critiqué ces dernières années, Pierre Auzan-Vallon mêle son itinéraire personnel à une grande fresque collective où il a interrogé sur deux sessions de cours en 2017 et en 2018 l'histoire politique et intellectuelle de 1968 à 2018 et les mots du temps présent. Cette grande fresque s'achèvera demain. Dans le cours précédent, il s'est attaché à l'analyse des changements qui ont touché le capitalisme et le monde du travail et la notion d'individualisme. Il avait rappelé que les sociétés occidentales des 19e et 20e siècles célébraient dans un esprit libéral, et je le cite, les droits personnels tout en restant économiquement et socialement des sociétés de corps et de classe. Coexistaient ainsi en elles le vieux et le neuf. Elles deviendront vers la fin du 20e siècle de véritables sociétés d'individus au sens classique que Norbert Elias a donné à cette expression. Une telle société est fondée sur ce que j'ai proposé d'appeler, disait encore Pierre Auzan-Vallon, dans la société des égaux, un individualisme de singularité, en rupture avec le précédent universalisme d'universalité. Or, cette aspiration à la singularité va radicalement transformer la conception des droits de l'homme tels qu'ils avaient été classiquement appréhendés dans l'individualisme d'universalité. Pierre Auzan-Vallon soulignait ensuite que cette forme d'égalité définit un type de société dont le mode de composition n'est ni celui de l'universalisme abstrait, ni celui du communautarisme identitaire, mais celui d'une construction et d'une reconnaissance dynamique des particularités. Ce basculement a des implications considérables, soulignait-il. Il indique que c'est à partir de ce qu'ils ont en eux de spécifique que les individus veulent dorénavant faire société. La valorisation de la singularité a donc une dimension immédiatement sociale. Elle ne marque pas une tendance à la distanciation de l'individu vis-à-vis de la société, au sens d'un individualisme de repli, séparateur, mais fonde plutôt l'attente d'une réciprocité, d'une reconnaissance mutuelle. Cela conduit à l'entrée dans un âge pleinement démocratique du social, correspondant au constat que celui-ci n'est définitivement plus fondé en nature et qu'il repose uniquement sur une philosophie partagée de l'égalité. Correspondant également au fait que la démocratie comme régime n'est plus dissociée de la démocratie, forme de société. Pierre Auzan-Vallon s'est interrogé sur la façon dont la question des discriminations est devenue dès lors centrale et comment la dynamique des droits est entrée dans une nouvelle phase de son histoire, alors que l'émancipation dans le champ de l'économie et du travail semblait simultanément en panne. Il a alors interrogé le déclin de la performance démocratique de l'élection. et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 7 février 2018 pour le cours de Pierre Auzan-Vallon, aujourd'hui, attente et enjeu. Après avoir proposé dans ce cours une histoire intellectuelle et politique des années 1968-2018, histoire qui a mis l'accent sur les conditions dans lesquelles la jachère des idées, l'essoufflement politique et les différentes modalités de ce que j'ai appelé l'engourdissement des esprits avaient conduit à la situation actuelle, situation notamment, et pas seulement bien sûr, caractérisée par une forme d'affaissement de la gauche, il est pour moi logique de conclure ce cours en présentant les principaux éléments de mon programme de travail à venir. Programme qui aura pour objet de dégager quelques éléments de redéfinition des termes de l'émancipation au moment de ce que j'ai appelé l'entrée dans un troisième cycle de l'émancipation. Programme de travail qui s'organisera autour de deux grands axes, la définition de ce que j'ai appelé une démocratie post-électorale et ensuite une reconceptualisation de la question sociale. D'abord, la question d'une démocratie post-électorale. J'ai parlé lors du dernier cours du contexte de rendement décroissant de l'élection, ce qui amène justement à réfléchir aux conditions dans lesquelles on peut définir une démocratie post-électorale. Et mes derniers livres, d'une certaine façon, ont commencé ce travail en définissant des institutions de la volonté générale, en définissant des conditions d'exercice de la démocratie indépendante et différente de ces conditions d'institution, j'ai commencé à dessiner les institutions et les procédures de cette démocratie post-électorale. Mais ce travail ne peut être poursuivi et ne peut être accompli sans considérer ce qu'est aujourd'hui la proposition populiste qui ne cesse de gagner en audience. Et ce sera justement l'objet de mon prochain livre, c'est de faire une théorie du populisme et, en regard de celle-ci, montrer comment une théorie de la démocratie post-électorale est une forme d'alternative à ce populisme. Ce terme de populisme, il appartient à la grande famille des mots en caoutchouc dans le langage politique. Quand il est employé de façon critique, il est identifié à un style politique démagogique, que l'on rejette souvent de façon instinctive, est considéré comme étant porteur d'un projet dangereux pour les libertés, fondé qu'il serait sur une appréhension pervertie de l'idéal démocratique. Mais pour ceux qui se l'approprient à l'inverse avec fierté, ce qui est de plus en plus souvent le cas, ils qualifient une politique attentive aux intérêts du plus grand nombre. Et ceux qui se revendiquent de ce populisme accusent ceux qui les blâment de servir les intérêts des riches et des puissants et d'assimiler de façon méprisante le peuple qu'ils entendent représenter, assimilé à l'antique et problématique populace. Parler du populisme, c'est d'abord prendre acte de cette cacophonie et de la façon dont s'entremêlent dans ce terme une insulte et un idéal. Ce trouble du langage n'a rien d'inédit. Il a longtemps été celui qui caractérisait le terme même de démocratie, dans l'Antiquité d'abord, où les premières dénominations de la démocratie ont été données par les adversaires de ce qui allait être considéré comme le régime démocratique, et non pas par ses partisans. Aussi bien qu'à l'âge des révolutions françaises et américaines, et je devrais dire surtout de la révolution américaine. Un des grands ressorts de l'opposition entre ceux qu'on appelait les fédéralistes et les Jeffersoniens qui deviendront, dès le début du XIXe siècle, appelés les républicains, mais pas les républicains d'aujourd'hui, c'était justement une opposition entre démocrates et non-démocrates. Le mot « démocrate » était une insulte dans la bouche des fédéralistes. Et peu à peu, comment, et face à ces fédéralistes, il y avait le parti jeffersonien, qu'on appelle les Républicains. Et à force de se voir traité d'un point de vue qui était critique, de se voir traité de démocrate, Les Jeffersoniens ont fini par dire, qui s'appelaient les Républicains, ils ont fini par dire, eh bien, puisque vous nous accusez d'être démocrates, oui, nous acceptons l'insulte. Nous sommes fiers d'être démocrates. Et c'est de cette façon que le parti républicain des Jeffersoniens est devenu en 1828 le Parti démocrate. Et l'Amérique est un exemple absolument surprenant de cette façon dont une insulte politique est devenue le qualificatif d'un parti bien aimé par la moitié de la population américaine environ. La démocratie, dans ce cas d'espèce, mais aussi maintenant on le voit, était à cette époque à la fois une promesse d'avenir pour les uns et une menace déstabilisatrice pour les autres. C'est la même chose pendant la Révolution française pour la référence au peuple qui ne cessera longtemps d'osciller entre la notion glorieuse de corps civique et l'évocation de la foule menaçante. Ces types d'équivoques n'ont rien d'étonnant. Ils peuvent être considérés comme constitutifs de la nature même de la chose politique. On ne peut en rester au constat d'une opposition de cette sorte, cependant, pour appréhender un phénomène politique dont on sent bien qu'il va dominer notre siècle. Il n'est en effet pas exagéré de penser que la question du populisme sera, au XXIe siècle, l'équivalent de ce qu'avait été la question du totalitarisme au XXe siècle. Il faut donc abandonner l'approche du populisme en termes de style politique, car dans ce domaine des flatteries de l'opinion et des promesses démagogiques, aucun mouvement et aucun parti ne saurait être considéré comme en étant l'unique champion. Et il faut aussi sortir de la sphère des suspicions, gouvernée qu'est celle-ci, par des peurs, des passions et des frustrations qui se constituent et se confortent dans leur opposition. Ma perspective est de prendre au sérieux le populisme et de le comprendre dans le champ des indéterminations constitutives de la démocratie. Le populisme se présente d'abord dans cette perspective comme un projet de régénération d'une démocratie jugée atrophiée, confisquée et dévoyée. À l'inverse, justement, des régimes totalitaires du XIXe siècle qui entendaient rompre sur un mode substantiel avec les formes démocratiques jugées bourgeoises, le parlementarisme, l'expression du pluralisme, etc., le populisme se présente, lui, comme un projet de restauration et d'approfondissement procédural d'une démocratie des origines. Pour bien prendre la mesure de ce projet et le construire comme un véritable idéal type, il faut le considérer comme une forme démocratique qui a sa consistance propre et sa cohérence. Forme politique caractérisée par une rhétorique spécifique et renvoyant un idéal démocratique bien défini. On ne peut comprendre et donc éventuellement critiquer adéquatement le populisme, que si on le prend au sérieux de cette manière. Ce qui implique au premier chef de partir des analyses et des propositions, des mouvements et des personnes qui s'en réclament. Le populisme envisagé dans ces termes correspond à une appréhension spécifique des trois grandes dimensions de l'idéal démocratique. Les modalités de la représentation d'abord, les conditions d'exercice de la souveraineté ensuite et les modes de constitution de la légitimité et de formation de la volonté générale en troisième lieu. Pour dessiner les grands traits de cet idéal type, je m'appuierai sur les discours de ceux que l'on qualifie ou qui se qualifient de populistes, ainsi que sur les encore rares mais qui existent, écrits de ceux qui ont entrepris de se faire les théoriciens de ce populisme. Théoriciens qui sont actuellement surtout présents dans les rangs de ceux qui se sont réclamés d'un populisme de gauche. Je pense en particulier aux écrits d'un Argentin, mais qui enseignait en Grande-Bretagne, qui s'appelle Ernesto Laclau, et de Chantal Mouffe, qui font référence dans ce cadre. D'ailleurs, la constitution et la revendication d'un populisme de gauche, qui est un fait nouveau, qui date de moins d'une dizaine d'années, peut-être même de 5 ou 6 ans dans le grand public, est un fait majeur qui a conduit à élargir la compréhension d'une culture politique qui avait auparavant été confondue et réduite à celle de l'extrême droite. Le passage de la qualification générique, regardons la situation européenne, le passage de la qualification générique de parti d'extrême droite à celle de parti populiste, ayant par ailleurs été accompli au début du XXIe siècle, et on peut dire que l'émergence du mouvement 5 étoiles en Italie, en 2009, a invité, de par ses spécificités, à une réévaluation des dénominations politiques existantes et à introduire, justement, le terme de mouvement populiste tel qu'on le comprend encore maintenant. Le mot populisme a ainsi été banalisé, même s'il reste encore nimbé de flou. Dans la visée populiste, donc, il s'agit de considérer les conditions et les termes dans lesquels est pensée la représentation, la souveraineté et la légitimité. En termes de représentation, la visée populiste entend représenter le peuple d'en bas, celui qui est oublié par les élites et les partis traditionnels. Voir les célèbres déclarations de Jean-Marie Le Pen, qui avait parlé dans un de ses discours du Front National comme le porte-parole des oubliés, des invisibles et des sans-grades. Peuple d'en bas présupposé constituer la grande masse. Mais dans la littérature sur le populisme, il y a une définition de ce peuple d'en bas qui va beaucoup plus loin qu'une évocation sociologique aussi vague que celle que je viens de mentionner. L'unité de ce peuple d'en bas peut être en effet comprise et est comprise dans la littérature populiste de deux façons. Comme un donné, comme une forme d'essence sociologique, ou bien comme une construction. Et en fait, l'essentiel de la littérature sur le populisme est consacré à un ensemble de propositions sur les conditions de construction de ce peuple. Et c'est chez un auteur comme Ernesto Laclos que l'on voit le plus précisément définie cette appréhension du populisme comme, je le cite, qui n'est pas à ses yeux une idéologie, mais qu'il définit comme un mode de construction du politique. Mode de construction du politique qui consiste, selon lui, à trouver des équivalences horizontales dans des sociétés qui ne sont plus simplement régies par les grandes classifications en classes sociales. Le populisme est considéré comme indissociable d'un âge des sociétés qui n'est plus celui des sociétés de classe. Sur ce point, il y a d'ailleurs un fait historique central, c'est que les régimes qui ont été les premiers à se qualifier ou être qualifiés de populistes étaient des régimes latino-américains dans des sociétés qui étaient justement des sociétés structurées par le rapport entre un peuple et des oligarchies, disons, et non pas une société, des sociétés dans lesquelles il y avait des classes ouvrières constituées. En témoignait en Amérique latine la très grande faiblesse, contrairement à l'Europe, de ce qu'ont été les partis communistes. Ce ne sont pas des partis communistes, mais des partis populistes qui, dans l'histoire latino-américaine, ont été marquants. Et, dit Laclos, il y a une tentation dans les sociétés de post-classe, pourrait-on dire. Une tentation, c'est simplement, dans le monde politicien, d'agglutiner les différentes revendications, les différentes conditions, les mécontentements, pourrait-on dire. Et Laclos explique que le propre de populisme, c'est qu'à cette logique d'agglutination, le populisme propose une logique de constitution du peuple. Et une logique de constitution du peuple, sur une base très simple, c'est une logique de constitution qui est opérée par la reconnaissance d'un ennemi commun. Et cet ennemi commun, c'est l'oligarchie, c'est les élites, c'est les impérialistes. Selon les circonstances, ce pôle d'opposition à la constitution du peuple n'est pas le même. En Amérique latine, par exemple, il est certain que l'opposition à l'impérialisme, de façon très large et très vague, a été dominante. En France, récemment, on parle davantage de l'établissement de la caste, des élites, de l'oligarchie. Et, explique Laclos, il y a ainsi un travail d'équivalence horizontale qui se fait dans la construction de cette polarisation et de cette opposition. Ce qui explique d'ailleurs que ces théoriciens de gauche du populisme aient été parmi les premiers à réutiliser Carl Schmitt, en considérant que Carl Schmitt, théoricien justement de la politique comme constituée par le rapport de l'ami et de l'ennemi, théoricien de la politique constituée justement par une opposition essentielle qui réordonne toutes les autres différences, eh bien ce processus de réordonnancement des différences que Laclos appelle ce système d'équivalence horizontale est quelque chose d'absolument fondamental. On peut dire qu'il y a une reconstruction des antagonismes dans cette perspective. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs livres de Chantal Mouffe portent ce titre, il y en a même un qui porte ce titre tout simplement, « Antagonisme », et qui est fondé sur cette considération de la construction de l'identité par la reconnaissance des équivalences dans la société qui s'organisent autour de la dénonciation d'un même ennemi. Un livre qui a été écrit par Chantal Mouffe et par Rejón, qui est un des dirigeants de Podemos, a justement pour titre « Construire un peuple ». Et dans ce livre « Construire un peuple », elle développe une théorie qui est très proche de celle d'Ernesto Laclos dans « La raison populiste », qui est justement fondée sur les conditions dans lesquelles peut se mettre en œuvre ce déploiement des antagonismes et cette mise en forme et mise en scène des équivalences négatives. Et c'est justement ce qui est considéré comme faisant la grande distinction entre un parti politique et un mouvement. Un mouvement va se définir par ce travail horizontal, alors qu'un parti politique se définit par l'organisation de classe sociale. Et c'est quelque chose qui est développé très longuement chez Laclos et chez Chantal Mouffe, et qui était théorisé aussi très précisément, par exemple, dans un long entretien très intéressant de Jean-Luc Mélenchon donné au 1 Hebdo en octobre 2017, où il explique justement cette grande différence à la fois de constitution sociologique et de méthode politique qu'il y a dans l'organisation de la classe et l'organisation du peuple. L'organisation de la classe vise à des formes de rassemblement beaucoup plus étroits, alors que l'organisation du peuple, ce qu'il a appelé aussi pendant sa campagne électorale beaucoup les gens, vise à une espèce d'horizontalité qui entend être beaucoup plus large. Et en ce sens-là, il y a donc cette différence de plus en plus importante entre mouvement et parti, d'une part par le mode de production de l'identité et de l'adhésion, mais aussi par cet élément spécifique au populisme du lien entre verticalité et horizontalité. Là, je viens de parler de l'idée d'horizontalité, mais chez Laclos, comme Chantal Mouffe, et comme la plupart des autres auteurs, ou même de personnalités politiques, la verticalité est l'autre élément d'identité. L'identité n'est pas simplement produite par la conscience de soi, mais l'identité est aussi produite par le rapport entre peuple et leader. La verticalité est construite dans ce rapport. Il y a là, d'ailleurs, dans toute la littérature latino-américaine, une grande constance. Et c'est même un Colombien qui s'appelle Jorge Eliezer Gaitán qui a inventé en Amérique latine l'expression d'homme-peuple. Le leader, c'est un homme-peuple. C'est un homme-peuple qui présente un caractère paradoxal. Car on peut dire que la démocratie, historiquement, elle a un but de dépersonnalisation de la politique. si c'est un sujet collectif qui est véritablement l'objet et le sujet de la démocratie, eh bien, la démocratie ne peut pas être construite sur la personnalisation à outrance. Mais l'homme-peuple est un type de personnalisation spéciale. C'est en effet une incarnation fonctionnelle. Et ce n'est pas simplement la distinction avec le type d'incarnation bonapartiste, par exemple, qui est, elle, davantage, en tout cas dans les faits, une forme de personnalisation. Et c'est un thème qui ressort de façon vraiment spectaculaire de tous les grands discours des leaders populistes latino-américains. Et que l'on prenne les plus importants au XXe siècle, qui ont été Chavez, qui ont été bien sûr Perón, qui ont été plus récemment Maduro ou Correa en Équateur, on retrouve toujours ce même type d'expression et d'une incarnation qui entend et qui prétend être dépersonnalisante. Le Collège de France et France Culture vous présente Pierre aux Envalons, aujourd'hui, attentes et enjeux. La volonté collective, construite à partir des demandes hétérogènes, elle doit jouer sur les deux tableaux, de la verticalité et de l'horizontalité. Alors, évidemment, on voit dans la littérature, et par exemple chez Chantal Mouffe, en même temps que chez Laclos, une sorte de difficulté à introduire la notion de leadership en démocratie. Mais ils insistent en disant qu'il faut trouver, justement, un type de leadership qui n'est pas simplement un leadership autoritaire, mais un leadership qui se présenterait comme démocratique, car il ne serait pas simplement un leadership d'appropriation et d'expression individuelle, mais un leadership présentant ce caractère très particulier de la dépersonnalisation. Et de ce point de vue-là, on peut dire qu'on retrouve dans la littérature populiste une dimension très bien connue des juristes, qui est celle de la représentation qui a une dimension organique. Vous savez que dans la théorie de Karen Malberg, le grand théoricien des premières constitutions françaises de 1791, Karen Malberg expliquait pourquoi l'Assemblée élue ne pouvait pas être considérée au sens sociologique du terme comme représentante de la nation. Car la nation, elle est un être abstrait. Et donc, disait-il, l'Assemblée n'est pas la représentante de la nation, l'Assemblée est l'organe de la nation. Et donc, si la représentation se justifie, disait Karen Malberg, Ça n'est pas simplement parce que dans une société de grande dimension, il faut des représentants, que la démocratie directe n'est pas possible. C'est parce que, disait-il, il y a une fonctionnalité spéciale de la représentation. C'est d'être l'organe du représenté. Et cette théorie de la représentation organe, qui va être au cœur de toute, je dirais, la vision républicaine française classique, cette vision, elle était empruntée au grand juriste allemand de la fin du XIXe siècle. Eh bien, il me semble qu'à travers la notion et les modalités de la conception de la verticalité dans le populisme, on retrouve cette idée d'une dimension du leader comme organe du peuple. Et il n'emploie pas cette expression, peut-être parce qu'ils connaissent mal les juristes allemands du XIXe siècle ou les théoriciens comme Karen Malberg, mais quand on compare ces deux littératures, on est frappé de voir qu'effectivement, on s'oriente vers cette idée du leader comme organe du peuple. Et c'est cette fonctionnalité qui permet de comprendre justement ce rapport très particulier entre un processus d'incarnation qui prétend, je dis bien qui prétend être un processus, ne pas être de personnalisation. Savoir si c'est conforme à la réalité, c'est évidemment autre chose. Et c'est quelque chose qui apparaît dans des discours contemporains. Interviewé dans ce entretien vraiment très intéressant et qui fait une quinzaine de pages, Jean-Luc Mélenchon disait « Comment parler au peuple ?» Il dit « Il peut s'identifier à moi ». C'est-à-dire que l'identification est un mode de construction des représentés eux-mêmes. Et lui-même acceptait et reconnaissait cette dimension de verticalité. Cette dimension du leader organe du peuple, elle va avoir une conséquence très importante dans la vision constitutionnelle des populismes en Amérique latine. Cette vision constitutionnelle des populismes, elle va s'appuyer sur l'idée que la démocratie s'approfondit dans la réélection indéfinie. Vous avez peut-être vu qu'il y a eu un référendum en Équateur. Ce référendum en Équateur avait été un référendum provoqué par le successeur de Correa, et Correa qui, juste avant de partir, avait voté justement une réforme constitutionnelle prévoyant qu'il n'y avait pas de limite à la reconduction des mandats. Alors, dans la plupart des constitutions dans le monde, c'est 2 fois, voire 3 fois. Et presque partout, que ce soit Chavez, que ce soit Maduro, que ce soit Correa, que ce soit Kirchner, la grande idée, c'était de dire la vraie démocratie, c'est le peuple qui parle, et donc il ne faut pas qu'il y ait de limitation du nombre de candidatures successives. Et Ernesto Laclau a théorisé cette question-là en disant que la démocratie réelle doit se fonder sur l'idée d'une réélection indéfinie. Donc, il y a là, je dirais, un trait de constitution de la représentation qui présente tout un ensemble de particularités très identifiables en matière de conception de l'organe, en matière de conception de la verticalité, en matière de conception de la construction du peuple et en matière de conception du rapport entre construction du peuple et action du mouvement. Deuxième grande caractéristique des mouvements populistes, c'est une vision de la souveraineté. Une vision de la souveraineté qui se fonde sur une critique en disant la souveraineté populaire, elle est aujourd'hui confisquée par les partis et par les appareils. Elle est confisquée aussi souvent par le système institutionnel. On peut remédier à cette confiscation institutionnelle, c'est ce que disent tous les minoritaires, et là les partis populistes ne sont pas différents des autres. On peut remédier à ce biais institutionnel par l'instauration de mécanismes de représentation proportionnelle. Donc, c'est une revendication de tous les minoritaires, et là où les partis populistes sont minoritaires, bien sûr, ils le demandent. Mais le terme clé est celui du référendum. C'est de dire que le propre de la démocratie doit être d'être fondé sur l'appel le plus fréquent possible au peuple lui-même. La souveraineté veut dire l'appel régulier et récurrent au peuple. Et il y a même un ouvrage qui a été publié par un des intellectuels du Front National dans les années 1980, Yvan Blot, qui s'appelle « Les racines de la liberté » et qui a un très long chapitre consacré au modèle suisse, en disant l'idéal démocratique est la Suisse, dans laquelle le ça dépend des cantons beaucoup, mais disons que, grosso modo, le référendum et l'initiative populaire sont partout permis. Et que s'il y avait la démocratie directe, eh bien, il n'y aurait pas eu la suppression de la peine de mort. S'il y avait la démocratie directe, il n'y aurait pas d'abus fiscaux. S'il y avait la démocratie directe, il n'y aurait pas d'immigration massive. Et de fait, en partie, on peut dire en partie, même si c'est limité, en Suisse, il y a eu, par le biais des référendums, un certain nombre de décisions de cette nature qui ont été prises. Et que le problème du référendum, dans ce cas-là, d'ailleurs, il est celui, je crois l'avoir mentionné dans un de mes cours, il est celui du contenu normatif du référendum. C'est-à-dire, si le référendum est uniquement un référendum qui provoque une décision sur une intention ou sur une vision, ce référendum, ce qui est très souvent le cas en Suisse, peut ne pas être suivi d'effet parce qu'il n'inclut pas les conditions normatives de mise en œuvre, où il peut donner une orientation qui ne peut pas être traduite normativement parce qu'elle est contraire, par exemple, à des traités ou parce qu'elle a des impossibilités techniques dans le système constitutionnel. Mais il est frappant de voir qu'alors que la réflexion sur ce rapport entre référendum et conditions de possibilité liées au terme de la normativité sont très discutées dans le droit suisse, par exemple, ou par les théoriciens politiques suisses, ça n'est pas théorisé dans le domaine de ceux qui réclament le référendum, je dirais, de façon extrêmement vague. Car là, il est frappant de voir que la revendication du référendum est aussi pressante et aussi centrale que la compréhension juridique, politique et technique du référendum est relativement faible. Il est d'ailleurs frappant de voir qu'il n'existe pas de véritable, en France en tout cas, et je pense partout dans le monde, il n'existe pas de véritable traité du référendum en démocratie. Et donc, il n'existe pas de traité de la critique démocratique du référendum et des conditions démocratiques d'exercice du référendum. Mais en tout cas, cet appel au référendum, qui n'est pas simplement le cas du populisme ou des gouvernements ou des mouvements populistes, est quand même une constante. La deuxième constante en termes de souveraineté, c'est l'insistance qui est mise sur la notion de constituante. En Amérique latine, presque partout, vous verrez que des régimes populistes arrivent au pouvoir dans le cadre d'un mécontentement social et politique. Dans un monde qui a été corrompu, dans un monde qui a beaucoup d'inégalités, disons, une élection fait arriver au pouvoir des populistes. Et une des premières choses, c'est la désignation, ou très souvent, une des premières choses, c'est le projet ou la désignation directe d'une constituante pour redéfinir la démocratie. Il y a une sorte de culte de la constituante dans le populisme. Et on le voit en France, les différents partis que l'on peut, ou mouvements que l'on peut rattacher d'une manière ou d'une autre à l'idée populiste, ont presque tous pris position pour la mise en œuvre immédiate, si je puis dire, s'ils gagnaient les élections, d'une constituante. Car le pouvoir constituant, il a toujours exercé, en général, une fascination. Parce que le pouvoir constituant, on peut dire que c'est la démocratie vitale et créatrice. Sieyès en parlait comme du pouvoir sans forme. Donc c'est la véritable démocratie, car c'est la démocratie naissante. C'est la démocratie qui se réinvente. Et donc cette culture de la constituante, elle est absolument centrale et on ne la retrouve pas dans d'autres partis et dans d'autres mouvements. D'une façon générale, la vision de la souveraineté dans le populisme est une vision de la souveraineté qui exacerbe le rôle de l'élection. J'ai parlé, moi, dans mon cours, à plusieurs reprises, justement, des limites de l'élection ou des rendements démocratiques de l'élection. Au contraire, il y a, dans le populisme, la certitude que c'est, au contraire, la radicalisation de l'élection qui est la condition de la démocratie. Et comment radicaliser l'élection? Eh bien, on peut radicaliser l'élection de deux façons. En faisant de l'élection une procédure qui peut toujours revenir sur elle-même. Donc, c'est la théorie de ce qu'on a appelé aux États-Unis le recall, ou c'est la théorie de ce qu'on appelle la révocation. Si l'idée de révocation est centrale, c'est que l'idée de révocation, elle réinclut dans l'élection la correction des défauts de l'élection. Si vous pouvez penser qu'il y a des défauts dans le système électoral, vous pouvez imaginer deux sortes de choses. Vous pouvez imaginer une amélioration des procédures électorales, ou vous pouvez imaginer, c'est dans ce sens-là que moi j'ai réfléchi dans plusieurs de mes livres, aller dans le sens, justement, d'une démocratie qui n'est pas simplement la démocratie d'élection, mais qui dépasse la démocratie d'élection. Dans le populisme, il y a cette idée que ce n'est pas simplement l'amélioration des procédures, mais la radicalisation de l'élection par le fait qu'elle peut être recommencée avec un rythme relativement important. Alors, il y a des discussions. Presque tous les régimes populistes latino-américains ont introduit des procédures de révocation. Et vous savez qu'au Venezuela, il y a eu des élections de révocation qui ont eu lieu, ou des procédures de révocation qui ont été lancées et qui n'ont pas abouti. Donc, la radicalisation de l'élection, sous les espèces, pourrait-on dire, de l'idée de révocation, de l'idée de référendum et de la culture, du culte plutôt, de la constituante. Troisièmement, la définition des pouvoirs légitimes. La définition des pouvoirs légitimes, elle est là, très clairement appréhendée comme une démocratie, de ce que j'ai appelé une démocratie d'institution, une démocratie d'autorisation, avec une conséquence majeure, c'est de penser que tous les pouvoirs qui ne sont pas des pouvoirs élus sont des pouvoirs antidémocratiques. Et une des caractéristiques absolument majeures, mais des mouvements populistes comme des gouvernements populistes, c'est le rejet des autorités non élues et le rejet des cours constitutionnelles comme antidémocratiques. Il y a même eu un très long chapitre d'un livre de Marine Le Pen consacré à la dénonciation du gouvernement des juges, qui est d'ailleurs un thème. C'est le titre d'un livre des années 1920, donc c'est quelque chose de très ancien. Mais quand vous voyez aujourd'hui la situation en Pologne et en Hongrie, le cœur, d'ailleurs, de ce qui est reproché par la communauté européenne à la Pologne et à la Hongrie, c'est justement ce rejet du pouvoir des cours constitutionnelles et ce rejet de toutes les autorités non élues. Donc, là aussi, il y a un phénomène de polarisation démocratique. Et si on devait trouver un seul mot pour caractériser le populisme, c'est de dire qu'il faut remédier au dysfonctionnement de la démocratie par une plus grande polarisation démocratique. Polarisation de la représentation, au niveau horizontal et vertical, polarisation de la légitimité et polarisation de la souveraineté. Il faut ajouter à côté de cette définition que l'on pourrait dire procédurale du populisme dans une démocratie, une définition qui est plus sociétale du populisme, une définition sociétale qui implique, je n'ai pas le temps de le développer là, mais qui implique une vision de l'égalité et de la prospérité, ce que j'appelais dans un de mes livres le national-protectionnisme. C'est de penser que le protectionnisme est la condition de l'égalité et le protectionnisme est la condition de la prospérité. Ça, c'est un trait revendiqué dans la plupart des mouvements et des régimes populistes. Voilà, à très grands traits, je ne fais que donner quelques indications sur ce que sont les axes de construction de cette de cet idéal type du populisme. Une fois que cet idéal type a été esquissé dans cette direction, on doit se poser deux questions. La première question, c'est celle: qu'y a-t-il de neuf et qu'y a-t-il de vieux dans ce populisme? Et une deuxième question: quelle est son unité et quelle est sa diversité? Le vieux et le neuf. Si je regarde dans l'histoire, que je reprends chacun de ces points, la théorie de l'incarnation, elle est centrale dans le bonapartisme. Et on peut dire même que la première fois que le terme « homme-peuple » a été employé, ça n'est pas par Gaïtan dans les années 1930 en Colombie, et repris ensuite après dans, partout en Amérique latine, mais c'est un qualificatif qui a été donné au tout début des années 1830 par les républicains qui voyaient dans Napoléon une figure qui, après pourtant tous les désenchantements qui avaient été liés à son nom, apparaissait de nouveau glorieuse dans le monde rapetissé de la monarchie de Juillet. Et donc ce terme d'homme-peuple, il sera même ensuite très souvent repris pendant le Second Empire. Donc cette question, sur cette question de la verticalité politique, il y a des formes antérieures au populisme. Donc on peut dire qu'il y a des éléments de préfiguration du populisme. Si je regarde la conception de ce qu'on peut appeler le peuple antagonisé, eh bien c'est la même chose. D'ailleurs, ceux qui se réclament de Carl Schmitt a théorisé justement cette construction de l'antagonisme de façon très détaillée, pas simplement dans sa théorie du partisan et dans la question du politique, mais dans son grand traité constitutionnel. Et de la même façon, tous les théoriciens des années 1890, que ce soit les théoriciens de l'identité nationale dans les années 1890, le moment où l'idée de nation change de sens, où on passe de la nation républicaine comme étant une notion de gauche à la nation antagonisée, qui est une nation définie justement par l'exclusion, définie par la critique des étrangers, définie par la xénophobie, elle est très forte dans les années 1890. Si je reprends la question du débat sur la démocratie directe, ce débat sur la démocratie directe, on le trouve très présent pendant la Révolution française. C'est quelque chose qui est peu connu, mais il est très présent. Le grand pays dans lequel on discute le plus du référendum dans les années 1880 en Europe, c'est la Grande-Bretagne. Une littérature considérable dans la Grande-Bretagne. Et toute une réflexion qui est très puissante sur le référendum dans ce moment-là. Et le populisme, ce qu'on a appelé le People's Party aux États-Unis, et plus largement tout le mouvement réformateur de la fin des années 1890-1900, c'est de ce mouvement réformateur qu'est née l'introduction dans les constitutions des pays de l'Ouest, des États de l'Ouest, les mécanismes de révocation, de recall. C'est le moment où est inventé aussi les primaires. C'est le moment où est inventé l'initiative populaire et le référendum dans près de la moitié des États américains. Là aussi, on a des éléments que l'on peut dire héritiers du populisme. Et même si l'on parle du style populiste, il y a une très belle formule de Rémusat à propos de Napoléon. Il dit: Napoléon fait partie de ces hommes pour lesquels la poésie de leur nom les préserve de l'histoire. Et je crois que, effectivement, ça, dans le caudillisme latino-américain, il y a beaucoup cette dimension. Si je considère, je reprends Carl Schmitt, qui est quand même un des monuments constitutionnels de l'entre-deux-guerres, toute sa théorie de l'élection-acclamation est une théorie de la réélection indéfinie aussi, et qui est très présente dans son traité. Donc il faut comprendre les populismes contemporains dans cette histoire et dans ses continuités. Ça n'est pas une nouveauté qui surgit dans les démocraties contemporaines. Ce sont des éléments aujourd'hui qui se trouve convergée, qui se trouve constituée de façon plus visible et plus solide d'une culture politique, mais qui ont été présents avec leurs spécificités tout au long de l'histoire de la démocratie, tout au long de l'histoire de la démocratie, comme des formes de réponse à ces critiques et comme une forme d'exploration d'alternatives au désenchantement qu'elles avaient fait naître. La question de l'unité et de la diversité des populismes, au moins une chose devient acceptée aujourd'hui, c'est la distinction entre populisme de gauche et populisme de droite, puisque un certain nombre d'auteurs et même de mouvements politiques se sont définis comme populistes de gauche. Comment comprendre l'unité, ou plutôt la distinction entre unité du terme et diversité des populismes? Il y a trois variables à prendre en considération. Une première variable, c'est celle qui relève de ce que j'appellerais une théorie des greffes. Une deuxième variable, c'est les variables de situation. Et une troisième variable, c'est la distinction décisive entre mouvement et gouvernement populiste. Dans un de mes cours précédents, j'ai employé l'expression de greffe. Et je crois qu'effectivement, on repère très facilement comment les éléments clés du populisme, tels de l'idéal type du populisme, tels que j'essayais brièvement de les définir, peuvent se greffer sur des histoires et des cultures politiques très différentes. Il y a à l'évidence une greffe de ces éléments, de cet idéotype du populisme sur l'extrême droite, avec une identité xénophobe, la variable clé du nationalisme, où on retrouve justement bien des éléments des années 1890, et que Grégoire Kaufmann a bien résumé dans un ouvrage relativement récent. Il y a aussi une greffe possible sur une culture bonapartiste ou même gaulliste, et également une greffe possible sur une culture socialiste, avec une importance plus grande, par exemple, qui sera accordée à la redistribution. Donc, si on considère non pas simplement l'idéal type du populisme comme définissant une formule unique, mais voyant que les éléments constituants de cet idéal type peuvent se greffer sur des situations, des héritages différents, on a déjà un premier élément d'explication, je dirais, de la variété possible des populismes. Un deuxième élément, c'est celui des variables de situation. J'ai indiqué à quel point de nombreux gouvernements, je parlais tout à l'heure de la distinction gouvernement-mouvement, mais gouvernements populistes se sont organisés économiquement autour d'une visée nationale protectionniste. Alors qu'on voit bien que ni la Pologne ni la Hongrie ne sont pour le protectionnisme, pour une raison très simple, c'est qu'elles profitent à fond de l'insertion dans l'Europe. Elles bénéficient de la redistribution. Donc jamais il n'y a pas une once de national-protectionnisme dans la conception polonaise. Mais il y a d'autres variables de situation très importantes. On a bien mis en lumière, par exemple, c'est les travaux d'Alain Rouquier que j'ai invité à ce séminaire, à mon séminaire ici l'an dernier, a montré le rôle décisif qu'ont joué les rentes dans l'organisation des populismes latino-américains. Et il montre comment les populismes ont été nombreux à arriver au pouvoir, mais ne sont restés au pouvoir que les gouvernements populistes qui avaient une rente à redistribuer. Le pétrole au Venezuela, la rente agraire en Argentine ou la rente minière en Bolivie. Il y a aussi des variables de situation tenant à la structure des sociétés. En Amérique latine, il est très clair qu'il y a eu deux types de populisme. Il y a eu des populismes au sens de l'opposition générale entre société et oligarchie, mais il y a eu aussi un autre type de populisme plus essentialiste, qui était le populisme fondé sur l'indigénisme. Si vous prenez par exemple le cas de la Bolivie, est archétypique d'un populisme qui était lié à l'indigénisme. le mouvement qui a porté Maduro, pas Maduro, c'est tout d'un coup son nom m'échappe, et en Bolivie, est un mouvement indigéniste. Troisième variable à prendre en compte pour distinguer et construire en quelque sorte une typologie des populismes, c'est la distinction clé à faire entre mouvement et gouvernement populiste, entre rhétorique populiste et ce qu'on pourrait appeler les populismes réels. Il y a en effet, quand on passe de la rhétorique populiste au populisme réel, très souvent, le problème du passage à l'autoritarisme et à l'illibéralisme. Si vous regardez la rhétorique dans les campagnes électorales d'Erdogan ou de Poutine, c'est de la rhétorique populiste extrêmement classique. Mais ensuite, le gouvernement est un gouvernement clairement autoritaire, un gouvernement clairement illibéral. Donc, il y a un moment de passage entre le mouvement et le gouvernement qui peut montrer des écarts considérables. On peut même dire, par exemple, qu'aux États-Unis, Trump a fait une campagne populiste, mais personne ne pourrait penser que sa politique est populiste aujourd'hui. Hein ? On avait même dit que c'est une campagne populiste qui avait débouché sur un gouvernement oligarchique. Une deuxième caractéristique de cette distinction entre mouvement et gouvernement populiste, c'est qu'une tendance permanente des gouvernements populistes, c'est d'avoir essentialisé l'opposition. C'est que même lorsque l'opposition représente, c'est le cas au Venezuela, en tout cas actuellement, représente à peu près la moitié de la société, les opposants sont toujours considérés comme des ennemis. Donc là, il y a une transformation. On n'est pas simplement dans une logique de définition et de défense du peuple, mais on est dans une logique de stigmatisation de l'opposition, l'opposition étant considérée comme ennemie du régime. Et il y a même, dans les législations de gouvernements populistes, tout un ensemble de lois spécifiques pour réprimer les atteintes au régime, la Russie ayant été la championne dans ce domaine, mais également la Turquie, en reprenant d'ailleurs textuellement presque les arguments de Napoléon III, consistant à dire que il est légitime de brimer la liberté de la presse quand la liberté de la presse vise à renverser le régime. Car dans ce cas-là, le journal n'est pas simplement l'expression d'une opinion, mais il est l'expression d'une inversion de la volonté populaire. Si le gouvernement a été élu par la majorité, s'opposer au gouvernement, c'est une atteinte à la démocratie. Et donc, c'est une atteinte à la démocratie qui mérite d'être réprimée, car le propre de l'opposition, c'est souvent de défendre ses intérêts au nom de la volonté générale, alors qu'elle représente, dit fréquemment Poutine et dit fréquemment Erdogan, qu'une minorité. C'était les cours du Collège de France le 7 février 2018. Vous venez d'écouter Pierre Auzan-Vallon, les années 1968-2018, une histoire intellectuelle et politique, aujourd'hui, attentes et enjeux. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Pierre Auzan-Vallon, et ainsi que les contributions du colloque « Démocratie et post-vérité » qui sont liées à cette série 1968-2018. Son essai « Le bon gouvernement » est disponible désormais dans la collection Point Seuil depuis 2017. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous achèverons cette série consacrée aux années 1968-2018 par l'interrogation de Pierre Auzan-Vallon sur les fondements de la révolution moderne. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.